Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones, une émission consacrée au rock progressif. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour notre 130e rendez-vous. Je m'occupe de la mise en onde du choix musical, de la recherche et de l'animation avec la complicité de Denis Marchand, Robert Blanchette et Noël Douville. Et aujourd'hui à l'émission, nous avons, comme à l'accoutumée depuis le début de cette quatrième saison, des nouveautés. Et je parle de Marillion qui vient de faire sortir son plus récent album. On va entendre ça avec Karmakanik aussi, qui est une formation de Suède avec une nouveauté. On a Frank Carducci des Pays-Bas. On a la nouveauté de Opeth, nouvel album Scorceress. On a Ageness de Finlande. Et on a aussi le nouvel album de Il Castello di Atlante d'Italie. On a Hazel du Chili, Nemrod de Turquie et Mad Fellas d'Italie. Alors, on débute le premier bloc avec la formation britannique Marillion. Marillion qu'on a connu en deux versions. La version avec Fish de 1982 à 1988 et... lorsqu'il a décidé de poursuivre une carrière solo, il a été remplacé par Steve Hogarth. Et c'est lui qu'on entend dans la nouveauté Fear. C'est le 18e album studio de la formation. Et en fin de bloc, on aura une longue pièce qui s'intitule The New Kings. Et en fin de bloc, nous aurons la formation suédoise Karmakanik avec un extrait de son plus récent album, le 5e de la formation. Et l'album s'intitule Dot. Alors, on commence ça avec Marillion. From this height, we don't see the the new kings. We had the keys to old Russia's locked doors. We are the new kings. Here on the corporation's top floor. If you cross us, we'll buy you. And you can retire. Your children for life. Think about it. We're too bad to fail. saw the crash on the news today. It changed our lives, but did it really happen? Flying high in a scary sky, flying high in a scary sky. What's going? What? I grew up in a little town where my parents had settled down. Born to run on the radio, I was dreaming. There was a place where people met. Join my morning meadow, it's light and always sweet. Alors, c'était Karmakanik de Suède avec la pièce Higher Ground et c'est extrait de leur plus récent album Dot. Et ça a été précédé de Marillion avec la pièce The New Kings. Et c'est, ça fait partie de Fear, leur plus récent album. Ça a sorti il y a à peu près une semaine. Ceux qui désirent voir Marillion en spectacle, ne manquez pas leur venue à Montréal le 1er novembre au Corona. Et ça sera suivi d'un autre spectacle le lendemain à Québec, à l'Impérial. Alors après la pause, Frank Carducci et la nouveauté de Opeth. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors on débute le deuxième bloc de l'émission avec un musicien néerlandais du nom de Frank Carducci. On lui connaît deux albums et ce qu'on va entendre, c'est une pièce qui est extraite de Last Oddity. C'est paru ça en 2011 et on va enchaîner avec deux extraits du nouvel album de Opeth, leur 12e album studio et l'album s'intitule Sourceless. Alors on débute ça avec Frank Carducci. Thank you.

Alors, venez d'entendre la formation suédoise Opeth avec la pièce Strange Brew. D'ailleurs, une petite parenthèse ici, on a reconnu, en tout cas ceux qui ont mon âge, un riff de guitare de Rick Clapton qui s'intitulait à l'époque aussi Strange Brew. Alors, c'est un petit clin d'œil, j'imagine. Et ça a été précédé de The Seventh Sojourn et on a eu en début de bloc Frank Carducci avec The Last Oddity. Après la pause, Ageness, Il Castello di Atlante et Hazel. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute le troisième bloc avec la formation finlandaise Ageness. Ageness qui a 5 albums à son actif. Et par contre, on va sortir de leur discographie pour aller du côté de Decameron, qui est un album concept quadruple. C'est la troisième partie de cette trilogie. On a eu Decameron 1, 2 et voici le troisième. Ça s'appelle 10 Days and 100 Novellas. C'est un agrégat de plusieurs musiciens de Finlande et d'Italie qui composent des pièces inédites qui sortent de leur discographie habituelle. Alors, on va entendre Ageness avec The Bizarre Garden Incident, et ça va être suivi qu'une nouveauté de Il Castello di Atlante, leur plus récent album Arcs Atlantis, et on aura du Chili, Hazel avec Hawaii, c'est aussi une nouveauté. Alors, on débute ça avec Ageness. « vecchia storia sembra sempre uguale, ma forse non lo è se cambia la tonalità. Come una canzone riempie il vuoto intorno a me. Mi vedrò presso nello specchio della mia vanità. La luce delle stelle illumina le lacrime. Non so cosa dire, sale la tensione. piccolo uomo. Oh, Yeah. Alors, c'était Aizel du Chili. C'est un groupe qui a une dizaine d'années d'existence. Et ce qu'on a entendu, c'est le dernier album Hawaii. Et la pièce, c'était The Poet Part 1. Et ça a été précédé de Il Castello di Atlante, formation italienne. Et on a entendu un extrait du sixième album studio du groupe. C'est un groupe qui est quand même assez... assez connu du côté italien. Il a démarré ça en 1992 et c'est, on a entendu Non Ho Mai Imparato et c'est extrait de Ars Atlantis. Et en début de bloc, nous avions Aginess de la Finlande avec The Bizarre Garden Incident et c'est tiré de Decameron 10 Days in 100 Novellas. Après la pause, Nemrud de Turquie et Mad Fellas d'Italie. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Et nous voici déjà rendus au quatrième bloc et dernier bloc de l'émission et on va entendre la formation turque Nemrud. C'est une formation qui existe depuis 2010. Ils sont rendus à leur troisième album studio qui est paru à la fin du printemps. On a entendu une pièce il y a une semaine ou deux et on va reprendre ça aujourd'hui avec un autre extrait de cet album-là. L'album, c'est un album éponyme, Nemrud. Et on va conclure avec Mad Fellas. Mad Fellas, c'est une formation italienne qui existe quand même depuis peu. C'est 2013 avec un premier album et ça a été suivi cette année avec le deuxième, simplement intitulé Mad Fellas 2. Et on va entendre un extrait aussi. C'est un album qui a été très bien coté sur les palmarès de rock progressif. Alors, on débute ça avec Nemrud.

Alors, c'était Mad Fellas d'Italie avec Hollow Shell. C'est extrait de Mad Fellas 2. C'est un album qui est paru à la fin du printemps. Et on a débuté le bloc avec la formation turque Nemrud avec Gods of the Mountain. Et c'est extrait de l'album éponyme qui est paru aussi à la fin du printemps. Alors, ceci met fin à l'émission et je rappelle aux auditeurs qui seraient intéressés à parcourir la liste des pièces et des artistes, vous pouvez consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neuron et vous avez aussi, par le fait même, un lien avec les émissions précédentes qui ont été archivées. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une bonne semaine et qui vous invite la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neuron.